6 nouvelles entrées, Tania. Oui. Ça veut dire qu'on a dit au revoir à 6 autres. Oh. Et en plus de ça, on n'a pas fait le Palmer Rest in Peace depuis 3 semaines. Donc, on va dire au revoir à tout le monde qui nous a quittés depuis le 14 septembre. Donc, voici un super long bloc de Palmer Rest in Peace. Just mountains of change. What's gonna happen? Voici les pièces qui nous ont quittés depuis le 14 septembre 2015. Ah! Depuis l'édition du 14 au 27 septembre, ensuite du 28 septembre au 4 octobre et finalement du 5 au 11 octobre 2015. C'était déjà beaucoup de pièces. Je te laisse commencer, tiens, Tania, juste pour varier les choses. Ouais, OK. Commence donc. Eh bien, il y a eu El Motor avec Sorcière qui est resté là pendant quand même 7 semaines, Mathieu. Mm-hmm. Ensuite, Alabama Shakes voulait peut-être pas se battre, mais ils se sont fait taper dessus pareil avec Don't Wanna Fight qui a duré 7 semaines. Zerbin avec C'est la vie pour 6 semaines. Mm-hmm. Patrick Watson, Love Songs for Robots a perdu un boulon avec 6 semaines. Galaxy et son champ de mine est bien resté au palmarès pendant 7 semaines. Mm-hmm. Navert est reviré de travers avec Dans le Dallo 6 semaines. Toi, tu as dû aimer ça pour les jeux de mots, hein, c'est parti. C'est pour ça que j'ai inventé cette chronique-là. Regarde. Eh bien, il mouillait pour Propofol parce que Il pleut est resté au palmarès 7 semaines aussi. The Vaccines est mort de l'ébola avec Handsome qui a duré 6 semaines. Denko Jones et Watch You Slide 6 semaines. Les Shrimps se sont fait repêcher, sont allés dans les ligues majeures avec Le Doute qui a duré 7 semaines. Safia Nolin, ce matin, 3 semaines seulement au palmarès. Mm-hmm. Marie-Pierre Arthur a vu le jour se lever et le papillon s'en aller, papillon de nuit avec 8 semaines. Jamie XX, Loud Places pour 5 semaines. Hot Chip a brûlé avec Why Make Sense 5 semaines. Et ma chanson favorite de tout le palmarès est restée là pour 6 semaines seulement. On n'a même pas battu Marie-Pierre Arthur. Non. Ça m'attriste. Braids Miniskirt était au palmarès pour les 6 dernières semaines. Faut comprendre quand même que les semaines des palmarès ont duré beaucoup plus longtemps. Braids était là pendant l'été, donc il y a eu des périodes de un mois et demi où les palmarès étaient une seule semaine considérée comme une seule semaine. Donc ça a été là quand même très très longtemps. Voilà, c'est donc les pièces depuis le 14 septembre qui nous ont quittés. On a accueilli tout plein d'autres. En fait, le palmarès tel qu'il est en ce moment, francophone et anglophone, il n'y a plus grand trace de l'été dedans. Non, c'est vrai.